Bonsoir et bienvenue sur la rue d'Auteuil. Michel Dubois avec vous jusqu'à 22h. C'est une émission vraiment spéciale ce soir. On commence ça tranquille en studio. On est deux, il y a Jacques Dulac et moi. Et à 20h30, on se déplace dans le salon VIP parce qu'on va avoir un band vraiment fantastique à vous présenter. Donc, je vous invite à rester avec nous. C'est le Radioton ici à CKRL. Donc, on est une ambiance de fête à tout casser. Ça bourdonne d'énergie. Alors, je vais tout de suite vous présenter un saxophoniste ontarien qu'on n'entend plus jamais. Alors, il s'appelle Chris Murphy. Et il y a un album qui s'appelle Blowing the Horn. Il nous présente son interprétation d'une pièce qui est un classique où l'instrument en valeur est l'harmonica, mais lui, il a remplacé ça par le sax. Take a little trip with me. Et voilà, ça finit assez sec, n'est-ce pas, cette interprétation de Low Rider. D'ailleurs, Pete Tessier a en fait une très belle version ici à Québec même. Et puis, justement, il a remplacé l'harmonica par le saxophone. Maintenant, on va passer à un classique parmi les classiques. Mais pourquoi je vous le passe ce soir? Albert King, Blues Power, en spectacle au Fillmore West en 1968. C'est parce que vous avez probablement eu le vinyle Live Wire de Albert King. Mais là, ce qu'il a de grosse affaire, c'est que le vidéo de ça vient de sortir. Et je pense que ça vient tout juste de sortir. Prenez-vous là une petite note à quelque part et puis écrivez Albert King, Live Blues Power, Fillmore vidéo, parce que vous allez vraiment apprécier plus encore le style de Albert King. On l'écoute à l'instant à l'émission Rue d'Auteuil, Michel Dubois avec vous jusqu'à 22h. Fast enough. He go to kicking and crying and going on and tearing up the little baby bed. He got the blues. Can you dig it? Yeah. You take this girl that's got this mane squeezed. That's her boyfriend, that is, you know. And he just bought a brand new GTO. You know she want to be with him every time he cranks it up and go around the corner to the soda fountain. This is why she wanna go and show it off where all the guys and gals be. You know what I mean? As she get ready to go out this particular night, my mother said, "Daughter, you was just out last night. You can't go out tonight. That's too many nights in a row." She go in the room and fasten the door and won't answer the phone, won't eat, won't talk to nobody. She got the blues. That's what's wrong with her. Some people call them the reds, the pinks. When you get through, it's the old-fashioned country blues. That's right. Now, I ain't seen my main squeeze in 10 long weeks today. You know I got the blues. Can you dig it? Right there, children. Keep it right there. the blues. And when you're doing the blues, they're so strong, that's the reason they name, they call them blues power. Yeah. And would you believe I invented blues power? Can you dig the blues power? Let everybody say yeah. Yeah. Say it again, say yeah. Yeah. Thank you. Alors, je pense qu'on en a eu pour notre argent avec cette fameuse version irremplaçable de Blues Power avec Albert King. Et puis, je vous répète que vous manquez quelque chose si vous n'essayez pas de trouver la vidéo de cette pièce. On va vous laisser dans quelques minutes pour, évidemment, c'est la pause pub et les sollicitations et les encans. Moi, j'ai juste le temps de traverser avec Jacques de l'autre côté dans le salon VIP. Et là, on va vous présenter une heure et demie de spectacle avec le groupe Jam Road. Ils s'appellent pas Jam pour rien parce qu'ils ont eu l'habitude de prolonger les pièces au besoin selon les besoins de la cause. Alors, ils sont capables d'y aller d'une façon très disciplinée ou encore d'improviser un petit peu à la façon des Allman Brothers le faisaient. Leur répertoire va des Doors, exemple Roadhouse Blues. Il y a également Derek and the Dominoes, exemple Have You Ever Loved a Woman. Il y a le Sweet Home Chicago. Il y a également j'en ai d'autres aussi, Pride and Joy, évidemment Stevie Ray Vaughan, I'm Tore Down, Further Up on the Road, et j'en ai choisi encore. Il y en a d'autres qui vont nous arriver comme ça par hasard, par le bonheur des dieux. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez encore, je pense, venir nous rencontrer pour prendre votre billet pour assister à ce spectacle qui va vous donner également le droit à une consommation de la Corrigane. Et puis, on a des surprises pour vous, sauf que le nombre de places est limité. Donc, vous faites le 640-2575 pour être sûr qu'il y a encore des places de disponibles. Nous sommes à Limoilou, au coin de la 3e avenue et de la 4e rue. Alors, on continue à notre petite pièce instrumentale avec M. Murphy, Chris Murphy, qu'on a eu tout à l'heure. Et ça s'appelle Orange Brandy. It's got to be funky. Everything I do, there's got to be funky. Cause if it ain't funky, sure ain't no need to do it. Salut, Angel Forest ici, c'est la Radio Temps, c'est KRL. S'il vous plaît, soyez généreuse. Bonjour, ici Julie, votre députée de Beauport-Limoilou. CKRL, c'est un véritable bijou pour notre communauté, un bijou de culture et d'informations critiques importantes pour vos oreilles, pour votre esprit. CKRL mérite notre soutien à tous. Ça nous permet de découvrir et de redécouvrir les talents d'ici et d'ailleurs, tant francophones que de toute autre langue. Laissez votre esprit naviguer au rythme et au son de CKRL, la radio d'ici. Du 15 au 18 juin, rendez-vous à Tadoussac pour la 39e édition du Festival de la chanson, présenté par Québecor. De Ariane Roy à Vulgaire Machin, en passant par les Sœurs Boulay ou Gab Bouchard, tu trouveras ton bonheur dans la programmation. Laisse la magie de Tadoussac s'emparer de toi et viens profiter du seul festival où tu peux écouter des baleines la journée et des concerts le soir. Billets et passeports sur chansontadoussac.com. On se voit où? On se voit à Tadou. Pourquoi faire aujourd'hui si tu pourrais faire demain? Pour la saison prochaine, les concerts pop de l'Orchestre symphonique de Québec se donnent des heures de studio californien, des cabarets new-yorkais. Ils seront tapissés de paillettes. Ils auront du beat. Lisa Leblanc sera Chaque Disco. Webster et ses 8 artistes invités célèbrent 40 ans de hip-hop québécois. Transportez-vous au cœur des comédies musicales de Broadway. Célébrez le 7e art avec Hollywood 7. Hydro-Québec, partenaire de saison de l'Orchestre symphonique de Québec. Salut, c'est Ramon Chicharrón y soutiens le Radioton de CKRL, car les radios communautaires sont super importants. Ce sont souvent les premières à faire jouer les artistes émergents et alternatifs. Donnez et soyez généreux. Ramón Chicharrón. Oui. Esta vida es sufrimiento, nos dijo el Vaticano. Nuestros antepasados se lo creyeron, rezando a un dios con otro color de piel, demonizando al baile y al cuerpo de la mujer. Jean-Sébastien Doré avec vous pour vous présenter l'encan du Radioton 2023 de CKRL pour les prochaines demi-heures ici avec vous. Amoureux de littérature québécoise, j'attire votre attention sur les lots 22, 23 et 24 accessibles sur le site de l'encan de CKRL. Ces trois lots de livres des éditions Alto, une maison d'édition de Québec fondée par un ancien de CKRL quand même, juste pour remettre en contexte dans notre 50e anniversaire de la station. Antoine Tanguay a animé ici même plusieurs émissions au fil des années, donc avant de fonder les éditions Alto en 2005. Je vous parle des lots. Le numéro 22, c'est quatre super beaux livres parus récemment aux éditions Alto. Notre part de nuit par Mariana Henriquez. La cité oblique par Ariane Gélina et Christian Kennel. Troupe 52 par Nick Cutter. Et Blackwater One, la crue par Michael McDowell. La mise de départ était 50$. La valeur est de 105$. Soyez le premier à miser sur ce lot. C'est vraiment des super beaux livres à découvrir. Je vous les recommande. Le lot numéro 23 des éditions Alto. Quant à lui, contient quatre livres, des romans récemment parus aux éditions. Numéro 1, parmi les livres, L'oiseau de pluie par Robbie Arnott. On retrouve également Faune par Christiane Vadnais, qui a gagné plusieurs prix, un super bon livre. Numéro 3, Le fil du vivant par Elsa Pépin. Et quatrième, L'avenir par Catherine Leroux. Le prix de départ est de 50$. La mise actuelle est de 50$. Allez miser là-dessus. Quatre livres, là, ça vaut 100$. C'est quatre livres que tous les libraires de la ville vous recommanderaient de toute façon. Achetez les dons pour encourager votre radio préférée, CKRL. Écoutez le Radioton de CKRL. Salut, c'est Olivier Bercelli de l'émission Démentiellement Vôtre. CKRL est en plein Radioton et c'est le temps de faire vos dons ou bien de devenir membre. Soyez dons généreux. Allô tout le monde, ici Sol Zanetti, député de Jean Lesage. C'est une grande fierté pour moi de savoir qu'ici, à Limoilou, on a ce trésor important, la première radio communautaire francophone au monde. CKRL, c'est 50 ans de vitrine pour nos communautés et nos artistes. Et c'est pour les aider à continuer de rayonner que je vous invite à participer en grand nombre au Radioton cette fin de semaine. Manquez pas ça! Ce message est une présentation de Sol Zanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée nationale. Ah ah, vous pensez vous êtes débarrassé de moi? Non, c'est pas terminé. Il nous reste encore un petit lot littérature des éditions Alto à vous présenter. Le numéro 24. Le prix de départ était de 55$. La mise actuelle l'est également, 55$. Quatre livres d'une valeur de 110$. Et quels livres on y retrouve dans ce lot? Dont « Perdre la tête » par Heather O'Neill. C'était le dernier roman de Heather O'Neill qui était à traduire encore. Et ça vient d'arriver l'année dernière, acclamé par la critique. Je crois que ça a gagné le prix des libraires. Procurez-vous ça dans le lot numéro 24. On retrouve également « Une jeune fille sage » par Annabelle Lyon. On a aussi le roman « Un si joli visage » par Laurie Lansant et puis « Les blondes » par Emily Schultz. C'est donc, je vous l'ai dit, 55$ la mise actuelle et la mise de départ. Allez dépasser ça, hein, quand même. Quatre beaux livres comme ça, une valeur de 110$. Également, pour les amoureux de littérature, on retrouve le lot numéro 28 des presses de l'Université Laval, c'est-à-dire des livres, des essais de toutes sortes sur des sujets vraiment variés. 9 nouveautés des presses de l'Université Laval. La valeur de ces livres, de ces 9 livres, est de 200$. La mise de départ est de 100$. Soyez les premiers à miser sur ce lot. On retrouve parmi ces livres Capture totale Matrix, mythologie de la cyberculture par Michael Lachance en format de poche. Les récits de notaire, les malécites par Daniel Clément, Sakharov, sciences morales et politiques par Charles Réaume, Elena Bonheur, Yves Quéré. Ça continue comme ça. La valeur de la vie humaine en Russie, 1836 à 1936. Construction d'une esthétique politique de fin du monde par Tristan Landry. Un livre qui ne pourrait être plus pertinent avec ce qui se passe du côté de l'Ukraine. À découvrir donc dans ce lot, les éditions de l'Université Laval. On retrouve également le livre Structure d'indifférence, vie et mort d'un autochtone dans une ville canadienne par Mary Jane Logan, McCollum et Adèle Perry. Ici Paul André et Lou-Adrienne Cassidy. Ça nous fait plaisir d'être porte-parole du Radioton cette année pour le 50e anniversaire de cette extraordinaire, unique, essentielle, fantastique radio qu'est CKRL. Partenaire majeur du Radioton de CKRL, Audiolite est le spécialiste incontesté de la haute fidélité à Québec depuis 50 ans déjà. Des conseillers compétents et passionnés sauront faire de votre visite une expérience d'achat hors du commun. Service après-vente exemplaire et prix compétitif. Audiolite.qc.ca. La Caisse d'économie solidaire Desjardins vous présente cette journée du Radioton. Vous êtes membre de la Caisse d'économie solidaire? Demandez l'une des 5 bourses de 2 000 $ chacune pour un premier emploi dans une coop ou un organisme à but non lucratif. À condition d'avoir 18 ans et plus au 31 mai 2023, d'obtenir l'appui à votre candidature d'une entreprise membre de notre Caisse solidaire et ne pas avoir reçu en 2022 de bourse de la Fondation Desjardins ou de la Caisse solidaire. Faites votre demande sur le site web à caissesolidaire.coa. Vous écoutez le Radioton de CKRL. Bonsoir, chers auditeurs. Nous avons changé de studio. Nous sommes maintenant dans le studio VIP en présence des musiciens de Jam Road. Et puis, on va vous les faire entendre très, très rapidement. Ils s'installent. Ils sont en train de prendre place pour commencer la soirée. Je vous invite à rester à l'écoute parce qu'on va avoir de la super musique, comme je vous en ai un petit peu glissé un mot tout à l'heure. Alors, Jam Road prend place et puis on va y aller avec une première pièce qui s'appelle, je pense que c'est Crossroads, oui? Ah ben évidemment, il y a un gars là-dedans qui non seulement joue à Eric Clapton, mais je dirais qu'il lui ressemble un peu. Et évidemment, c'est pas surprenant, il y a une belle Fender, toute noire comme Blackie. Alors, messieurs, on a tout de suite bien hâte de vous entendre. On applaudit, s'il vous plaît. Road Jam. No, Jam Road! Thank you. try to flag it right. I went down to Rosedale, try to flag it right. Nobody seemed to know me. Une chanson va être Sweet Home Chicago. Blues Look the brother baby and see what I see 98. Chicago. Yeah, come on, baby, don't you wanna go? Come on, baby, don't you wanna go? Back from the land of California to my sweet home, Chicago. On va s'entretenir brièvement avec Alexandre. Bonsoir, Alexandre. Salut, salut. Je vous ai vu une seule fois avant. J'ai eu un coup de foudre, puis je pense que ce soir, ça justifie. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est un bon band? Ouais! Ouais! Ben, merci, c'est fort. C'est sûr, écoute, c'est tous des vieillards, ces gars-là. Ils ont tous au moins 42 ans. On a une vieillard. On mange des Pepperman le dimanche, ça, c'est fort. La moyenne d'âge du groupe, c'est quoi? C'est 27-28, là. On est dans ces zones-là, oui. Mais vous avez bu, vos parents ont bu de la bonne eau de source parce que vraiment, il y a de quoi de bon qui coule dans vos veines. Ben, c'est bien fin. On essaie de... Je sais pas, tu sais, on a tout le temps joué de la vieille musique. C'est ça qui nous anime, tu sais. Fait que... Je pense que ça paraît à soir, justement. Oui, et en plus, évidemment, ce soir, on va avoir un aperçu de vos compositions. On a une ou deux qui vont apparaître dans notre programme. Mais vous avez d'abord fait votre marque en tant que groupe de cover, c'est ça? Oui, c'est ça. On a commencé à faire du cover en 2015, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, 2015. Fait que ça fait déjà 7-8 ans, quand même, 8 ans. Puis... c'est ça, on a commencé. Ouais, excuse, j'ai pas beaucoup de fil. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, dans le fond, ça fait déjà 8 ans, on a commencé en cover. On avait une 30-40 de tunes, puis là, tu sais, ça a tout le temps évolué. Puis à un moment donné, on cherchait un peu de défis, on voulait de quoi d'autre. Fait qu'on a fait nos propres compositions. Puis ben justement, on les retrouve partout là, sur Spotify, YouTube et compagnie. Pour Jam ça, Road. Jam Road. Exact. Maintenant, moi, je vais essayer de m'en rappeler parce que j'ai toujours envie de dire Road Jam. Ah ouais, je comprends. L'origine du nom. D'où ça vient, ce nom? Jam Road. Ben, dans le fond, pour vrai, c'est que on a commencé à jammer sur le bord de la route, justement en 2015. Là. C'est comme ça que le band s'est formé pas mal. On jammait sur le bord de la route, puis on a dit pourquoi pas Jam Road. Carrément, on n'a pas cherché loin. Là, et vous êtes capable de jammer sur une pièce, par exemple, qui normalement fait 4 minutes, vous pouvez y faire facilement un 12. Ben oui, vraiment. Là, on aime ça, les tunes longues. Je me rappelle quand on jammait au garage là, sur le bord de la route, quand on commençait, des fois on jouait une toune pendant 1h30. Bon. Ça avait aucun sens, là, mais on trippait. Là. Fait qu'on est capable d'allonger en masse. On fera pas des tunes d'une heure et demie à soir. Un peu comme les Grateful Dead ou autre. Ouais, c'est ça, on s'amuse. Puis même à soir, il n'y a pas grand chose qui est monté au quart de tour. Là, on s'amuse, on se regarde, on se fait des signes, puis on se comprend. Ça se sent que vous avez beaucoup de plaisir à jouer. Ah, ben tant mieux. Je voudrais aborder le côté visuel de votre affaire parce que là, quand je vous ai vu, j'ai dit ça, il y a un petit Clapton à côté puis il y a un petit Page à droite. Ah ouais. Avec une Fender, avec un look un petit peu plus gentleman. puis à droite, avec une Gibson, avec un look un peu plus voyou. Ouais, ouais. C'est moi le voyou, en fait. Mais j'ai vraiment l'impression que ça soit voulu ou non, mais l'effet est super pour ça. Ça, c'est bon pour ça. Ah, ben c'est cool de le dire. Écoute, c'est pas qu'on le recherche tant que ça, mais pour vrai, les inspirations de l'autre guitariste, c'est très Clapton, là, fait que même, tu sais, si tu le remarques, même dans le look, c'est parce que c'est là, vraiment. Là. Donc, est-ce que ça se retrouve un peu dans vos vidéos ou si c'est juste comme ça sur stage? Non, vraiment, ça se retrouve là-dedans. Puis, tu sais, c'est drôle que tu le mentionnes parce que c'est à peu près ce qu'on fait aussi dans nos compos. Tu sais, c'est très un mélange entre du blues puis du classic rock. Mm-hmm. Vraiment, le fait que je pense que on retrouve vraiment le mélange des styles. Autant dans les covers qu'on fait ce soir, tu sais, on fait du blues qui ça rentre au poste quand même. Mettons. Là. Fait que tu sais, c'est pas du petit blues tout tranquille. Puis justement, dans nos compositions, on retrouve ce mix-là. Là. OK. Alexandre, on va te remercier encore. On va les applaudir pendant qu'il va rejoindre sa place. Et on va s'en aller tranquillement sur une tune. Je ne sais pas dans le répertoire de qui ils sont allés chercher Five Long Years parce que c'est un classique. Mais en tout cas, on va l'entendre et on va sûrement l'apprécier. Mes chers amis, on reçoit encore donc le groupe Road Jam. Non, Jam Road! We'll be right back.

fouille-moi quand c'est arrivé. La rumeur dorée, cuisine inspirée du domaine Cataraqui, mur, mémoire, un livre sur Lévis, et bien. Et plusieurs livres là, sur des photographies des divers quartiers de la ville de Québec. 15 magnifiques volumes. C'est une valeur de 350$. Le prix de départ est de 175$. Soyez le premier ou la première à miser sur ce lot. Il y a vraiment de quoi faire de super belles découvertes pour des amateurs d'à peu près tous les sujets en lien avec la ville de Québec. Je poursuis en littérature avec les lots 35 et 36 offerts par notre partenaire, les éditions À lire, qui se spécialisent dans les polars. Le lot 35, c'est une trilogie de polar contemporain de Wayne Arthurson, dont l'action se déroule à Edmonton et mettant en scène Léo Desroches, un journaliste aux origines métissées et pris avec des problèmes de jeu compulsifs. Donc, c'est en trois volumes. L'automne de la disgrâce, un hiver meurtrier et un été rouge sang. Des livres qui ont eu beaucoup de succès à leur parution en librairie. C'est d'une valeur de 90$. Le prix de départ est de 45$. Misez là-dessus, vous serez les premiers. Bonjour, ici Raymond Côté, chroniqueur pour la politique américaine, aux matins éphémères à chaque mercredi à CKRL 89.1. Écouter le Radioton est essentiel. Vos artisans donnent beaucoup de leur temps, mais ça leur prend des moyens. Alors donnez généreusement et soutenez votre radio ici à Québec. Je poursuis avec le lot numéro 36, également offert par les éditions À lire, spécialisées en polar. Le lot 36 se concentre sur l'œuvre de Thomas King. C'est les aventures de Thomas Dreadful Water. Mais quel nom de personnage! Un ex-flic de Californie qui refait sa vie à Chinook, au sein d'une petite communauté rurale du Montana. Engagé par le shérif pour photographier des scènes de crime, sa curiosité l'entraîne au cœur des enquêtes à résoudre. C'est une série de 4 livres. Meurtre avec vue, les meurtres du Red Power, meurtre sous un ciel de glace et meurtre avec malveillance. Pour les amateurs de meurtre parmi l'auditoire de CKRL, donc... C'est d'une valeur de 115$, le prix de départ est de 55$, la mise actuelle l'est également, 55$. Essayez de battre ça, 4 super beaux volumes pour les amateurs de polar. Je poursuis avec un autre lot littéraire, j'essaie d'en trouver ici. Est-ce que j'ai fait le tour? Probablement pas. Les amateurs de notre super belle affiche du Radioton de CKRL, une œuvre qui nous a été préparée par l'artiste Félix Girard, seront vraiment contents de découvrir qu'on n'a pas seulement les t-shirts à l'effigie de ce superbe visuel, on a également les œuvres qui sont en vente dans notre encan de cette année. C'est les lots 69 à 72. C'est pour avoir différents formats de cette œuvre que vous retrouvez sur notre affiche actuellement, un peu partout dans la ville de Québec. Le prix de départ est de 150-250$ selon le format. Chacun des quatre lots ont des mises. Donc, ça va de 150 à 275$. Allez sur le site de CKRL pour découvrir la mise actuelle sur ces œuvres. Pour avoir ça dans votre salon, un super beau souvenir de votre radio favorite et de son 50e anniversaire, ça se passe sur le site de CKRL. Ici Paul André. Et Lou-Adrienne Cassidy. Ça nous fait plaisir d'être porte-parole du Radioton cette année pour le 50e anniversaire de cette extraordinaire, unique, essentielle, fantastique radio qu'est CKRL. Partenaire majeur du Radioton de CKRL, le Bal du Lézard s'est imposé au fil des ans comme un lieu de rencontre culturelle et sociale au cœur du quartier Limoilou. À la fois café, resto, bar, salle de spectacle et d'exposition, le bal est l'endroit idéal pour rencontrer des gens sympathiques dans une ambiance chaleureuse. Découvrez toute notre programmation à venir sur lebaldulézard.com. La Caisse d'économie solidaire Desjardins vous présente cette journée du Radioton. Vous êtes membre de la Caisse d'économie solidaire? Demandez l'une des 5 bourses de 2 000$ chacune pour un premier emploi dans une coop ou un organisme à but non lucratif. À condition d'avoir 18 ans et plus au 31 mai 2023, d'obtenir l'appui à votre candidature d'une entreprise membre de notre Caisse solidaire et ne pas avoir reçu en 2022 de bourse de la Fondation Desjardins ou de la Caisse solidaire. Faites votre demande sur le site web à caissesolidaire.coop. Vous écoutez le Radioton de CKRL. On est de retour avec le groupe Jam Road et on va partir en beauté avec une pièce qu'ils vont eux-mêmes vous présenter. Oui, elle s'appelle She Hooked Me. Ça marque à peu près une grosse transition de français. C'est la dernière chanson en anglais avant des chansons en français qui sont déjà sorties, mais en fait, c'est composition en anglais. Oh, love, walked in the moonlight, making vows that just can't work right. Open your arms, baby, let my love come running in. It's been a long time, been a long time, been a long, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely time. Wow! Wow! Alors... Comme vous voyez, la notion blues est plutôt large, mais on va revenir à quelque chose de peut-être un petit peu plus straight. On s'en vient au Texas avec Pride and Joy. Stevie Ray Vaughan. Enjoy. Les soirées blues du Radio-Ton à CKRL sont toujours mémorables et celle-ci est tout à fait à la hauteur de toutes les autres qu'on a eues juste avant. Je pense que vous êtes d'accord ici dans le studio. D'ailleurs, on va demander à Aubert un petit peu. Je pense que tu as fait quelques kilomètres pour venir assister à ce spectacle. Écoute, Un bon 30 ans dans le coin, puis ben c'est ça, je suis en campagne depuis une couple d'années, mais écoute, avec toi, Michel, tous les vendredis soirs, et puis depuis quoi? 30 ans. Bon Dieu, 30 ans? T'es rendu quoi? À 1000, t'as-tu compté? Non? 1500. 1500? Ouais. OK. 1500 émissions, pas mal. Mais oui, c'est un plaisir d'être ici, c'est ça. Ouais. J'allais faire du canot avant Granville. Si vous voulez un beau party demain, samedi soir, à Vaillanville. Écoute, il y a des centaines de canoteurs de partout au Québec qui viennent triper sur Saint-Charles, l'eau et autres. C'est beau, rapide, c'est merveilleux. Sous chapiteau demain soir. OK. Yes. Bon. Donc, tu es un fan de blues. On t'a vu dans toutes les salles, autant à l'autre caserne qu'ailleurs, n'est-ce pas? Ça, c'est des beaux souvenirs, ça. En effet. Oui. Est-ce que toi-même, tu joues de la musique? Oui. Oui, guitare, harmonica, percussion. Parce qu'on a souvent parlé, mais je t'ai jamais entendu jouer. Enfin, ça sera pour une prochaine, dans ce cas-là. La prochaine fois qu'on aura une soirée blues, apporte ta guitare, puis on va peut-être faire un petit jam avec un groupe qui s'appelle... Yeah! Jam Road! Yeah! C'est allez, sûr! Merci, les gars, ça alors, fait parfait. Du bien. Alors, on va tout de suite enchaîner avec... Oh, je pense qu'on reste encore dans le répertoire de Clapton, I'm Tore Down, même si c'est également Jeff Healey et quelques autres, mais une magnifique belle chanson avec le groupe, donc, Jam Road. Tore Down, almost level to the ground. I'm tore down, I'm almost level to the ground. I feel like this when my baby can't be found. I went to the river, jumping. My baby showed up and said, I will tell you when, 'cause I'm tore down, I'm almost level to the ground. Like this, my baby can't be found. Knife in the drum, to jump in. My baby showed up and said, I will tell you when, 'cause I'm tore down. I'm almost level to the ground. When I feel like this, when my baby can't be found. Cars is out of sight. A life for you if you want me to. I really don't believe that your love is true. 'Cause I'm tore down, I'm almost level to the ground. Well, I feel like this when my baby can be found. Well, I'm tore down, I'm almost level to the ground. Tore down, I'm almost level to the ground. Well, I feel like this when my baby can be found. We'll be right back. slap him to the ground. Sore down, I'm almost level to the ground. Well, I feel like this when my baby can't be found. Jam Road. Ces gars-là ont fait une grosse heure de route pour venir jouer pour nous ce soir. Alors, on les en remercie énormément. Et si un jour vous voyez le nom de Jam Road à quelque part qui joue dans un festival, un événement quelconque, ben, courez, ça vaut la peine. Et en plus, cette fois, ce soir, ils ont joué une forme un peu allégée parce qu'au lieu d'avoir le gros kit de drum au grand complet, on a notre ami, Vincent? Qui joue du cajon, qui vraiment remplit exactement ce que ça doit faire dans un espace restreint comme on est ici ce soir, mais on n'y perd absolument pas. Et si vous appréciez CKRL, c'est une radio communautaire qui est quand même se fend en quatre pour vous donner quelque chose de bon. Le moins que vous pourriez faire, ça serait soit de faire un don, soit de passer durant la fin de semaine, venir acheter ce que nous offrons sur la table ici, des objets promo, etc. Ou encore mieux, prenez votre carte de membre. Ça coûte à peine 25$ et vous avez énormément d'avantages. Sur ce, je vous ramène à notre groupe avec Further On Up the Road. Just what you sow, that old saying is true. Just like you mistreat someone's gonna mistreat you. You've been laughing, pretty baby. I say someday you're gonna be crying. You've been laughing, pretty baby. I say someday you're gonna be crying. Sir, to run on the road. You find out I wasn't lying. Yeah. Someone's gonna hurt you like you hurt me. Just like you mistreat someone. Someone's gonna mistreat you. You've been laughing, pretty baby. I say someday you're gonna be crying. C'est le moment de miser sur les 100 lots du Radioton 2023 de CKRL. Rendez-vous sur macause.com/CKRL. Your lady, your lady, your lady, your lady, your lady, your lady.

C'est toujours Jean-Sébastien Doré avec vous pour l'encant du Radioton. Je termine mon petit laïus sur les magnifiques œuvres de Félix Girard, l'œuvre qui illustre le Radioton 2023 de CKRL. Il reste le lot 72, qui est également une reproduction sur toile encadrée de format 24x30. La valeur est de 500$, le prix de départ est à 250$ et la mise actuelle est à 275$. Je vous le dis une dernière fois. Vous avez jusqu'à dimanche, si vous voulez cette œuvre-là chez vous, c'est le moment d'aller miser là-dessus. C'est déjà encadré, c'est prêt à poser sur votre mur et c'est magnifique. Une belle manière d'encourager votre radio favorite. Tant qu'à aller dans l'art visuel, on a d'autres œuvres qui sont en vente cette année. On m'a dit qu'il y a des gens qui regardent l'encan de CKRL chaque année exclusivement pour garnir leur collection d'art parce qu'on a des super œuvres. On retrouve les lots 76 et 77, deux œuvres de André-Philippe Côté qu'on connaît pour être le caricaturiste du soleil depuis plusieurs années, également BDiste qu'on connaît depuis les années 80. Ils ont offert deux œuvres magnifiques, dont le lot 76, la pièce Au temps perdu, un acrylique de 20x16, une valeur de 1200$ quand même. Le prix de départ est à 400$. C'est à peu près rien, franchement, pour vous procurer un magnifique André-Philippe Côté. La mise actuelle est de 400$. Vous avez jusqu'à dimanche pour rapporter ça chez vous. Allez sur le site La Voile. C'est sûr que je viens de choisir les items les plus difficiles à décrire, mais c'est une magnifique toile. Le lot 77, une autre toile d'André-Philippe Côté, Les Oies en groupe. 20 par, c'est un acrylique de 20 par 24, valeur de 1200$ également, prix de départ 400$, la mise actuelle est à 475$. Allez sur le site de CKRL, les deux œuvres d'André-Philippe Côté s'y trouvent, observez ça, vous allez avoir le goût de miser là-dessus, je suis certain. Écoute-moi, écoute-moi. Ici Paul André. Et Lou-Adrienne Cassidy. Ça nous fait plaisir d'être porte-parole du Radioton cette année pour le 50e anniversaire de cette extraordinaire, unique, essentielle, fantastique radio qu'est CKRL. Partenaire majeur du Radioton de CKRL, l'hôtel Château-Laurier est un établissement 4 étoiles situé au cœur du Vieux-Québec, à deux pas de la Grande Allée, des plaines d'Abraham et du fleuve Saint-Laurent. Pour des vacances mémorables et des réunions d'affaires réussies, Hôtel Château-Laurier est heureux d'héberger les artistes du Radioton. Hôtelchâteaulaurier.com. La Caisse d'économie solidaire Desjardins vous présente cette journée du Radioton. Vous êtes membre de la Caisse d'économie solidaire? Demandez l'une des 5 bourses de 2 000$ chacune pour un premier emploi dans une coop ou un organisme à but non lucratif. À condition d'avoir 18 ans et plus au 31 mai 2023, d'obtenir l'appui à votre candidature d'une entreprise membre de notre Caisse solidaire et ne pas avoir reçu en 2022 de bourse de la Fondation Desjardins ou de la Caisse solidaire. Faites votre demande sur le site web à caissesolidaire.coa. Vous écoutez le Radioton de CKRL. On est de retour au studio VIP de CKRL parce que c'est le show blues. Mais avant de passer à la musique, j'ai une très bonne nouvelle à vous communiquer. Alors, le directeur général vient de me communiquer la dernière cagnotte, si on veut, le dernier décompte. On est à $9,555 dans notre levée de fonds. C'est notre première journée en plus. Donc, il y a tout lieu d'espérer qu'on va rejoindre notre objectif de 50 000 encore cette année. Je pense qu'on mérite bien ça, oui. Alors, on va continuer avec le groupe Jam Road et on va aller, comme je le fais habituellement à mon émission, c'est-à-dire à 21h30, j'appelle ça le grand coup de 21h30, parce que on ralentit les choses, on tamise les lumières et on s'en va écouter encore une fois quelque chose qui réfère à Eric Clapton. Have you ever loved a woman? Ah, c'est vrai. Ça, c'était la feuille écrite. Mais on n'est pas ici pour faire la chose telle qu'elle est écrite. C'est une de leurs compositions. Puis après, on écoutera Have You Ever Loved a Woman. Je m'excuse. D'ailleurs, j'avais un numéro 1 ici. Des nuages à la terre. Une veillée avec les gars, je pensais pas me rendre jusque là. J'ai rien qu'une envie, c'est d'être avec elle toute la nuit. Un désir à satisfaire, un peu de mystère. Jamais dans la vie je suis vulnérable, enfin prêt à plaider coupable pour mes pensées inexcusables. Je nous vois tous les deux, ma main qui glisse dans ses cheveux, vision de perfection, mais ce n'est qu'une illusion. Jamais thank you. Have you ever loved a woman? So much you tremble in pain. Have you ever loved a woman? Bears another man's name. Have you ever loved a woman? So much, it's a shame and a sin. So much, it's a shame and a sin. Thank you. Mes chers amis, j'aurais pas voulu être ailleurs, nulle part que ici, maintenant. Je pense qu'on vient de vivre un moment de radio assez exceptionnel, n'est-ce pas? C'est des jams comme ça, là, ça court pas les rues, je vous en passe un papier. On va accélérer un petit peu le rythme, on va ouvrir la porte aux Doors. Thank you. L'heure avance, mes chers amis, et ça sera ma dernière intervention avant le plug de pub, mais je dois absolument remercier ce groupe qui s'appelle Jam Road, qui ont été d'une générosité, d'un génie total ce soir. Le public, vraiment en forme aussi, ils ont supporté, ils ont bien suivi toutes les émotions du groupe, moi le premier, et là-dessus, je nous félicite parce qu'on a eu vraiment du fun. Je voudrais remercier Jacques Dulac qui était ici à la régie, il a également fait la mise en onde en début d'émission. Jean-Sébastien Soucy qui est à la console de l'autre côté, là-bas. Et l'autre console ici, Simon Roy, notre prise de son, qui a fait un travail magnifique parce que il y a un certain moment donné où les aiguilles devaient voir en rouge. Et sur ça, ben moi, je vais vous faire mon dernier bonsoir en vous donnant rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour l'émission Rue d'Auteuil, formule habituelle. Et je pense qu'on va se quitter sur l'hymne national, n'est-ce pas? Johnny B. Goode. J'oubliais Isabelle Baume qui nous a bien servi toute la soirée. La barmaid. In the shade, strumming to the bathroom at the plumber's main. The people passing by never stop and say, "Mind, I need a country ball to play." Go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, be good. Radioton de CKRL.